الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué dans le cours précédent l'intervention d'un homme des proches de Pharaon qui avait caché sa foi jusque-là. Il fit preuve de courage et exhorta non seulement son peuple, mais aussi Pharaon lui-même, en faisant preuve de courtoisie et de mesure dans ses propos, afin que ces mêmes propos puissent toucher les cœurs. Ce croyant continua son exhortation en disant « Certes, Youssouf vous est venu auparavant avec les preuves évidentes. » L'imam Ibn Kathir, rahimallah tabaraka wa ta'ala, dit: il les informa de la prophétie de Youssouf alayhi salam en Égypte et sa bonté envers les gens concernant leur vie d'ici-bas et l'au-delà. Et ce prophète que voici fait partie de sa descendance en parlant de Moussa. Il appelle les gens à l'unicité d'Allah, à son adoration et à ne rien lui associer dans la création. Il leur parla des gens d'Égypte à cette époque qui de nature reniaient la vérité et s'opposaient aux messagers. C'est pourquoi il dit: mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Mais lorsqu'il mourut, vous dites alors: Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. Mais vous avez menti en cela. Et ainsi il dit: ainsi Allah égare-t-il celui qui est outrancier et celui qui doute? Ceux qui discutent les prodiges d'Allah et les signes d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ils rejetèrent les arguments, les preuves et les signes de son unicité sans aucun argument ou preuve émanant d'Allah. C'est une chose qu'Allah déteste au plus haut point, c'est-à-dire les gens qui agissent ainsi et se parent de cette caractéristique. Ainsi Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Fin de citation. Cet homme vit que les conseils qu'il leur prodiguait n'avaient pas d'effet sur eux. Il changea donc de stratégie et décida de leur rappeler qu'ils sont issus de gens qui avaient déjà auparavant démenti Youssouf alayhi salam lorsque ce dernier vint à eux avec des preuves évidentes. Ils les mettent en garde de ne pas faire la même erreur vis-à-vis de Moussa alayhi salam que celle de leurs ancêtres vis-à-vis de Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam les appela au tawhid et à l'obéissance d'Allah jalla wa ala. Leurs ancêtres n'ont suivi Youssouf alayhi salam que parce que ce dernier avait des fonctions, des responsabilités et un certain pouvoir. Et c'est pour cette raison qu'il leur dit: mais vous n'avez jamais cessé d'avoir eu des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Mais lorsqu'il mourut, vous dites alors, en espérant cela, Allah n'enverra plus jamais de messager après lui, étant donné votre mécréance et votre déni. On remarquera ici qu'il s'adresse à eux, bien que les concernés étaient leurs ancêtres, en leur disant: mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Mais lorsqu'il mourut, vous dites alors, Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. C'est-à-dire que cette parole fut prononcée par leurs ancêtres, et non par eux. Mais il s'adresse à eux, c'est-à-dire aux Coptes de son époque, comme si c'était eux, les descendants, qui les avaient prononcés. Pour quelle raison emploie-t-il cette rhétorique? Afin de montrer que leurs cœurs sont identiques. Leur démenti et leur rejet de la vérité s'est transmis de génération en génération. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, tashabahat qulubuhum. Leurs cœurs sont similaires. Puis Allah dit jalla wa ala, ainsi Allah égare-t-il celui qui est outrancier et celui qui doute, ceux qui discutent les signes d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue. Leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. J'attire votre attention sur la parole d'Allah, ceux qui discutent les signes d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue. Cette mention de discuter les signes d'Allah revient à 5 reprises dans cette sourate Ghafir, sourate numéro 40, qui comprend 85 versets. 5 occurrences du Jidal ou de la Mujadala dans cette sourate. 2 au début, 2 en son milieu et 1 à sa fin. Je vais les rappeler brièvement ici et citer la traduction de chacun de ces versets. Allah dit dans le verset numéro 4 de cette même sourate: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah. Que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. Verset numéro 5. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Ils ont discuté de faux arguments pour rejeter la vérité, alors je les ai saisis, et quelle punition fut la mienne. Le verset 34, sur lequel nous étions. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Ceux qui discutent les signes d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Le verset 56. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection d'Allah car c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et enfin, le verset 69. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent sur les versets d'Allah se laissent détourner? Ceux qui traitent de mensonges le livre, c'est-à-dire le Coran, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, ils sauront bientôt. Cela nous montre qu'un des fils conducteurs de cette sourate est que le fait de discuter les signes d'Allah est une des caractéristiques des mécréants et des négateurs, qui ne trouvent à opposer à la vérité et aux preuves claires et éclatantes que la polémique et les arguments stériles. Pharaon et ses notables furent imperméables à la vérité et aux signes évidents par lesquels Allah a soutenu son messager. Ils ont discuté les signes d'Allah et ont rejeté ce qui leur garantissait une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà. قال الله جل وعلا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. سورة 40 verset 36 et 37. Et Pharaon dit: ô Haman, bâtis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moussa. Mais je pense que celui-ci est menteur. Ainsi, la mauvaise action de Pharaon lui fut enjolivée. Il fut détourné du droit chemin, et le stratagème de Pharaon n'est voué qu'à la destruction et la perte. Pharaon nia que Moussa ait été envoyé par Allah, et mentit devant le peuple en disant: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Sourate 28 verset 38. Et Pharaon dit: ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, ainsi monterai-je jusqu'au Dieu de Moussa. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Il dit aussi: peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moussa, mais je pense que celui-ci est un menteur. Ce verset porte deux sens. Le premier, je le crois menteur parce qu'il prétend que cet univers a un seigneur autre que moi. Deuxième sens, je le crois menteur dans la prétention qu'Allah l'a envoyé. Le premier sens est plus conforme à l'état de Pharaon qui nie l'existence du Créateur, alors que le deuxième est le plus proche de la formulation et du texte coranique, puisque Pharaon dit: peut-être apercevrai-je le Dieu de Moussa, pour lui demander s'il l'a réellement envoyé, mais je pense plutôt que c'est un menteur, en ce qu'il prétend. Et l'unique but de Pharaon était d'empêcher les gens de croire en Moussa et de les inciter à le traiter de menteur. Cela peut aussi vouloir dire que Pharaon demanda à Haman de lui construire un édifice élevé afin que lui seul puisse s'entretenir avec le Dieu de Moussa et qu'il montre ainsi aux gens qu'il est le seul dignitaire de cela, qu'il est le garant de la spiritualité de son royaume et le seul intermédiaire entre le Dieu et le peuple. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ainsi la mauvaise action de Pharaon lui fut embellie et il fut détourné du droit chemin et la ruse de Pharaon n'est vouée qu'à l'échec. Ibn Abbas et Mujahid ont dit: Pharaon est voué à la perte, au faux, et rien de ce qu'il visait ne se réalisera, car il est impossible aux hommes d'atteindre par leurs propres moyens le ciel de ce bas monde. Alors que dire des cieux élevés qui sont au-dessus de lui et que seul Allah Jalla Jalaluhu connaît? Plusieurs commentateurs du Coran ont dit que la tour était un palais bâti par Haman et jamais on n'avait vu de construction aussi élevée. Il était construit de briques cuites au feu. Pour cela qu'il a dit: ô Haman, allume-moi donc un feu pour fabriquer des briques en terre cuite, puis construis-moi une tour. Les gens du livre disent que les enfants d'Israël étaient utilisés dans la fabrication des briques. Ils étaient assujettis à cette tâche et que cela comptait parmi les tâches que Pharaon leur imposait. Ils devaient apporter chaque jour une quantité déterminée de terre, de paille et d'eau, et s'ils ne le faisaient pas, ils étaient frappés et humiliés. C'est pourquoi ils dirent à Moussa, c'est-à-dire les enfants d'Israël: nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous, et après ton arrivée aussi. Ils disent: il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la succession sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. Il leur rétorqua qu'ils auront le dessus sur les Coptes, et c'est ce qui se réalisera au final. Et cela est une des preuves de la prophétie de Moussa. L'imam Ibn Kassir continue et dit: revenons au conseil, à l'exhortation et l'argumentation du croyant. Allah dit tabarak wa ta'ala le concernant: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Sourate 40, les versets 38 à 40. Et celui qui avait cru et dit: ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai au sentier de la droiture. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et quiconque mâle ou femelle fait une bonne action, tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Il les appela à la voie de la droiture et de la vérité qui consiste à suivre le prophète d'Allah Moussa, à croire à son message par lequel son Seigneur l'a envoyé. Puis il les encouragea à se détacher de l'amour de ce monde vil, éphémère et périssable, et à chercher la récompense d'Allah qui ne fait jamais perdre les œuvres de bien. Lui le puissant, qui possède toutes choses entre ses mains, qui donne beaucoup pour peu, et qui par sa justice ne rétribue la mauvaise action que par une action similaire. Il leur rappela que l'au-delà est la demeure de la stabilité éternelle, où les croyants qui auront accompli de bonnes œuvres occuperont des degrés élevés, des lieux de sérénité. Ils auront des biens considérables, une subsistance perpétuelle et inépuisable, et tout le bien qu'ils posséderont ne cessera d'augmenter. Puis il montra la fausseté de leurs croyances et les fit craindre ce vers quoi ils se dirigeaient. « Voyez, قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار » تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورة 40 verset 41-46. Ô mon peuple, mais qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Ma vie t'est alliée à Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour. Et les outranciers sont eux les gens du feu. Bientôt, vous vous rappellerez ce que je vous dis. Et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où leur arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Il les appela à l'adoration du Seigneur des cieux et de la terre, qui dit, lorsqu'il dit à une chose, soit, elle est. Alors qu'eux l'appelaient à l'adoration de Pharaon, l'ignorant, l'égaré, le maudit. C'est pourquoi il leur dit sur le ton du reproche, ô mon peuple, qu'avez-vous? Alors que je vous appelle au salut, vous m'appelez au feu. Vous m'invitez à renier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir. Alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. Il leur montre ensuite la fausseté de l'adoration qu'ils vouaient à d'autres qu'Allah parmi les associés et les idoles, qui ne détiennent ni bien ni mal, qui ne peuvent ni nuire ni profiter. Il dit, nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour, et ceux qui dépassent les limites, ce sont eux les gens du feu. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir d'agir en ce bas monde, ni autorité, alors comment pourraient-ils en avoir dans l'au-delà? Quant à Allah, Jalla Jalalu, il est le créateur et le pourvoyeur de subsistance aux créatures pieuses ou dépravées. Il est celui qui fait vivre et fait mourir les serviteurs, puis les ressuscite, et il fera entrer les obéissants au paradis et les désobéissants en enfer. Puis enfin, il les menaça contre l'obstination en disant, bientôt vous vous rappellerez de ce que je vous dis. Et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse. C'est-à-dire qu'en réprouvant cela, il fut préservé du châtiment qui les toucha en raison de leur mécréance et de leur ruse pour détourner les gens de la voie d'Allah et les tromper par toutes sortes d'artifices. C'est pourquoi le pire des châtiments cernera les gens de Pharaon d'enfer auxquels ils seront exposés matin et soir. Ainsi leurs âmes dans le monde de la tombe, ce qu'on appelle le barzakh, seront exposées matin et soir à l'enfer. Et le jour où leur arrivera, on leur dira, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Nous avons mentionné la signification de ce verset et du châtiment de la tombe dans le tafsir, et la louange appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Kathir. Je n'ai pas voulu commenter ces paroles de l'imam Ibn Kathir car elles sont claires de sens et elles expliquent extrêmement bien la teneur des propos de ce croyant parmi la famille de Pharaon dans cette exhortation sublime et bénéfique. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.